Kilacilion, la face cachée de la lune. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Dans le canot pneumatique, les gaz à fond, Antoine dédaignait les gerbes d'eau et savourait silencieusement le spectacle. La petite embarcation au service de l'André Malraux le menait droit au navire. C'était l'un des trois bateaux qui avait été désigné pour constituer l'escadre d'une des plus gigantesques fouilles du monde amphibien. Mais pour le moment, Antoine était subjugué par la beauté des paysages qui cerclaient le port de Toulon. Ignorant les gouttelettes d'eau salée qui venaient s'échouer inlassablement sur l'objectif de son appareil photo, c'est avec une joie presque enfantine qu'il mitraillait la petite rade, une des plus belles d'Europe. Le soleil matinal pointait déjà ses raies de lumière sur la colline des Quatre Vents, longeant le bord de mer. À proximité de Pipadi, abritant des installations militaires, le fort de la Tour Royale, la doyenne des fortifications toulousaines, dressait majestueusement sa silhouette à l'entrée de la rade depuis près de 5 siècles. Creusée en partie dans la roche, la bâtisse était imposante entre terre et eau. Elle ressemblait à une grosse tour où sa base se perdait dans les profondeurs bleutées de la Méditerranée. Un magnifique exemple de Torioni avec ses tours à canon datant du XVIe siècle. Ses murs épais avaient résisté aux aléas et aux caprices du temps et arboraient à présent une teinte quasi opaline, semblable aux coquillages délavés par les eaux. Jadis, cet ouvrage de défense avait été une prison. Il n'en fallait pas plus aux jeunes scientifiques pour se replonger, l'espace d'une traversée, dans l'une de ses lectures favorites. Il imaginait le prisonnier 24601, Jean Valjean, faire les 100 pas dans son minuscule cachot souterrain. Mais le moteur de 6 chevaux du canot le ramena promptement à la réalité. Son frombrissement couvrait à peine celui des moitrieuses, véritable chapardeuse et bruyante à souhait, qui survolait avec rapidité les bateaux qui sillonnaient le port. Le gilet de sauvetage rouge et noir dans lequel était engoncé Antoine ne lui facilitait pas les prises de vue. Mais la pensée de basculer par-dessus bord le dissuada de prendre des risques jugés d'emblée inutiles. « On arrive à la sortie de la rade, monsieur Sabert, » dit le canotier, en indiquant à l'aide de son index la pointe de Kerkiran. L'archéologue, détaché du département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, opina de la tête en guise de remerciement. D'un geste machinal, il rangea son appareil photo dans un étui sombre prévu à cet effet, avant que ce dernier ne se retrouve au fond d'un sac qu'Antoine nommait familièrement son sac à malice. Puis il continua à réaliser une série de clichés, mais en utilisant tout simplement un autre support, ses yeux et sa mémoire. Il avait hâte d'étudier les premières images en 3D réalisées par le mini-bex de la Comex. Antoine avait un wagon de retard, voire plusieurs, sur ses collègues, mais ce n'était pas par un manquement au devoir. Il revenait simplement d'une mission située sur la rivière du nord-ouest du Pacifique, dans les profondeurs de la réserve UPA. Le choc des cultures en était d'autant plus grisant. Comme un appât au bout d'un hameçon, l'index du canotier se tortilla en montrant les 3 navires tanguant sur les flots et en mouillage depuis 10 jours. En dessous d'eux, un trésor historique de plus de 348 ans. Arrivé près de l'André Malraux, le guide coupa le moteur, puis s'amarra à l'aide d'une manœuvre. Enfin, il invita Antoine à embarquer à bord du vaisseau français. « Terminus !» entonna une voix familière. Sur le tillac, Antoine admonesta Karl d'une bonne poignée de main franche, ce qui déclencha chez le chef de mission des interventions sous la mer une hilarité. Puis il sortit une cigarette de la poche de son gilet et la coinça entre ses lèvres. Le pavillon hissé frissonnait au contact du vent, ce qui obligea Karl à quitter le bastringage et à s'abriter. Antoine esquissa un petit sourire en coin. Karl le singea avec un air faussement boudeur tout en soufflant la fumée vers le ciel. « Qu'est-ce que tu fais ici, pilote? Tu ne joues plus avec ton R2-D2 ? » dit Antoine, qui faisait allusion au robot philo-guidé. Je me promène. À cause de la houle et de Mr. Blizzard, mon petit pote en métal fait dodo, souffla-t-il. Puis il ajouta. Interdiction de faire trompette jusqu'à nouvel ordre. Alors je suis venu accueillir le plus grand archéologue de tous les temps. Pour résumer, tu t'emmerdes, lâcha Antoine. Grave, ce qui ne va pas être ton cas, apparemment. Antoine leva un sourcil en faisant signe à Karl de s'expliquer. Il y a 2 jours environ, lors d'une immersion, on a découvert pas mal de vaisselle et un coffre et... Figure-toi qu'il n'était pas vide. Décidément, Karl aimait mettre les nerfs de ses collègues à rude épreuve. Mais un coffre sur la frégate, la Lune, n'avait rien de bien extraordinaire. Au contraire, le commandeur de Verdille, capitaine du vaisseau de ligne, devait être méticuleux et conserver avec soin tout ce qui pouvait être susceptible d'être rapporté au roi Soleil. À telle profondeur, il devait s'agir de breloques. Karl reprit une autre cigarette et sortit une flopée de jurons à l'encontre de la mer. Le navire ballottait sur l'eau pailletée. Le long de la côte, les vagues énormes éclataient et les nuages se regroupaient formant une secte secrète contre le soleil. Les ténèbres enveloppaient tout. Antoine comprenait mieux. Les flots gonflés par le vent étaient désordonnés, ce qui empêchait les immersions régulières. Le regard plongé vers l'horizon, la confidence de son ami lui fit l'effet d'une onde de choc. Dans le coffre hermétiquement scellé, il y avait un objet, et par un procédé assez élaboré comme une sorte de thanatopraxie, le journal est en parfait état. « C'est impossible !» s'écria Antoine. « Rien n'est impossible. En tout cas, je ne sais absolument pas ce qu'il contient. Mais depuis qu'on l'a ramené à notre directeur de projet, Mr. Blizzard, Monsieur Paget de son vrai nom, ne sort plus de sa cabine. « Et toi, tu en penses quoi ?» dit Antoine, dont toute ironie avait quitté le timbre de sa voix. « Ce n'est pas moi l'expert, mon petit bonhomme, c'est toi. Mais trouve ce qui cloche, sinon je vais devenir dingue » dit-il dans un grand éclat de rire. « Dingue ? Il n'y avait pas plus équilibré que Karl. Et si quelqu'un pouvait supporter la pression, c'était bien lui ?» Son sac à malice calé sur le haut de son épaule, il quitta le pont en enjambant les anspects et s'engouffra à l'intérieur du navire. Mr. Blizzard lui devait certaines explications et, sans attendre davantage, sa première fouille fut celle de dénicher la zone de vie et de repos située à l'avant. Après une 50aine de pas, Antoine demanda son chemin à un officier qui était absorbé à vérifier la feuille de temps du navire. Le poste d'équipage du chef de projet? Vous voulez dire Mr. Blizzard? Apparemment, les surnoms circulaient vite ici, songea Antoine. Il acquiesça avec un geste vague. Ce matin, il était à la timonerie, dit-il les yeux toujours rivés sur la feuille. Et? Dit Antoine, l'encourageant à poursuivre. Et donc, continuez à bâbord toutes, ça porte un petit hublot rouge, vous ne pouvez pas la louper. Antoine remercia l'officier et continua droit devant vers le côté gauche. Quelques pas plus tard, il faisait face à une porte. En apercevant le hublot andrinople, Antoine chercha le terme approprié. Criard semblait être le bon. Il donna 3 coups brefs, attendit 3 secondes, puis recommença à tambouriner 3 petits coups sur l'accès troué. À l'intérieur de l'habitacle, une voix impérative s'éleva. « Qui est là ?»« Saber, monsieur, vous m'avez demandé pour vous. » Il n'avait pas terminé sa phrase que la porte s'ouvrit subitement et Paget l'attrapa par le bras et le poussa sur sa couchette. « Saber, enfin » dit-il avec soulagement. Paget avait les yeux rivés sur sa table. Antoine suivit son regard et découvrit un petit carnet à la reliure de cuir posé dessus. Sans doute le fameux carnet, songea Antoine en pensant à sa conversation avec Karl. Soudain, Paget attrapa le carnet et le tendit sans mot dire à Antoine, son sac à malice encore sur le dos, les fesses sur la couchette de son patron. « Ce qu'il y a dans ce carnet ne doit jamais être révélé au public. Vous pigez, Saber ?» Il faisait des allées et venues, les mains sur la tête comme s'il se parlait à lui-même. Mr. Blizzard avait perdu la boule. Antoine ne l'avait jamais vu dans un tel état. Le jeune archéologue regarda le carnet qu'il avait entre les mains. Vraiment, sa conservation était spectaculaire. Les pages ne semblaient pas avoir souffert du moindre choc. Sous ses doigts, les feuilles étaient lisses. Que recelait ce carnet pour mettre Paget dans une telle panique? Mais il est hors de question que je sois le seul à connaître la vérité. Vous allez le lire, Saber, jusqu'à la dernière ligne. Et ensuite nous aviserons. Antoine roula des yeux. Comment cela, nous? Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de ramener vos fesses ici? Expertiser, analyser, dater au carbone 14, collecter et vérifier les traces matérielles, par exemple. Vous ferez avec ce qui a déjà été collecté par vos collègues. Plus personne ne retourne dans les abysses. Personne n'est plus autorisé à retourner sur la Lune. Paget se mit à sa hauteur. Antoine pouvait sentir son haleine chaude sur son visage. Les images en 3D seront pour votre prochaine mission. À présent, mettez-vous au travail. Je ne vous paye pas pour discuter mes ordres. Tiens, pensa Antoine, Mr. Blizzard est de retour. Après tout, le carnet était un élément précieux, une trace matérielle de ce qui était arrivé à l'équipage de la Lune. En passant le seuil de sa cabine, il se dit qu'il allait peut-être, qui sait, connaître sa face cachée. Antoine se délesta de ses affaires en les posant sur sa couchette. Sous le poids, le hamac se mit doucement à se balancer. Le scientifique vérifia le cordage tissé en pattes d'oie, appelé généralement araignée aux deux extrémités. Rasséréné, il posa le carnet sur la table à cartes, alluma la lampe et laissa ses pensées dériver jusqu'à la Lune. Journal de bord de la Lune, 6 novembre 1664, Toulon. Mon plus fidèle messager vient de me transmettre la réponse de notre bon souverain Louis XIV. Notre jeune roi a pris connaissance de notre étrange marchandise récupérée sur la Perle, le puissant vaisseau amiral des Barbaresques d'Alger. Il s'agirait, selon toute vraisemblance, d'un futard, dont l'aspect rappelle sans conteste celle d'une gigantesque anguille, mais avec quelques variantes apportées à son anatomie. Tout d'abord, sa taille est approximativement de 5 mètres de long, ainsi que sa mâchoire composée de longues dents, aussi tranchantes que des rasoirs. Carnivore, j'ai pu constater que sa voracité n'avait aucune limite. J'en ai pour preuve les courageux matelots, dont les pieds n'ont plus jamais foulé le sol du pont. Mon échec rejoint nos tentatives ratées contre Tripoli, Tunis et Alger. Il me semble que cela sera la dernière mission de la Lune, car ce dernier combat a été meurtrier. Sans compter les Hollandais et les Anglais qui se disputent les océans, ainsi que les innombrables pirates de tous bords. Et que dire de l'anarchie qui règne en maître, notamment dans les royaumes turcs du Maghreb et d'Alger, où le commerce d'esclaves est omniprésent. J'en conviens, les Berbères sont de redoutables guerriers et bien armés de surcroît. La rage au cœur, j'ai été contraint d'abandonner des dizaines d'hommes pour sauver le reste de l'équipage. Pourtant, ce vaisseau de premier rang était splendide. Depuis sa mise en chantier à Brest en 1639, ce navire, dont je suis le dernier commandeur, n'a eu de cesse de combattre pour la France. 23 longues années au service du roi, ce roi qui a le même âge, et où les 36 canons ont retenti jusqu'en Espagne. Le message est promptement clair. Sur ordre de notre souverain, le gouvernement de Provence me demande prestement de lever l'ancre et ainsi de quitter immédiatement le port de Toulon. Mais c'est une tâche qui s'avère délicate. Pendant la traversée, où les eaux méditerranéennes se sont déchaînées, les hommes ont calfeutré la cale où se trouvait le monstre. Malheureusement, c'était sans compter sur sa bestialité. Malgré les multiples avaries causées par le futard, les matelots se relayèrent jour et nuit aux pompes pour évacuer l'eau afin d'éviter notre échouage. Inlassablement, la peur les assaille, car les hurlements de la bête sont terribles. Elles ressentent le froid de la mort comme jamais. Que dire à ces hommes qui ont été si braves? Ils sont épuisés autant que le trois-mâts qui est à bout. C'est un miracle si nous n'avons pas fait naufrage avant. Le roi ne veut pas que cette chose ondule sur le sol français. Pourtant, nous n'avions pas le choix. Les Berbères avaient décidé de s'en servir contre nous. Dans sa réponse, Il m'informe qu'il est impératif de préserver l'unité de foi du royaume et qu'il est primordial pour lui de préserver son autorité sur l'Église. Les ecclésiastiques interprétaient ce signe comme celui du diable. C'est peut-être vrai. Nous sommes peut-être tous damnés. Cela est ma faute. Je dois mentir et trahir mes hommes. Je dois mettre le cap à l'est. La lune n'arrivera pas à parcourir les quelques milles qui séparent Toulon de Porquerolles. Je le sais. Alléger le bâtiment est tout ce que je peux faire. Transférer 300 hommes sur le Mercœur, en leur intimant l'ordre de ne jamais révéler le secret de la lune sous peine d'être guillotinés. Les autres matelots périront peut-être avec moi, mais je souhaite que nous nous en sortions. Finalement, je laisse Dieu décider de notre sort, sans oublier celui de la bête prisonnière de la cale. Car je ne me fais aucune illusion. Dès que j'aurai donné l'ordre de naviguer vers le cap Est, le navire se disloquera. Les réparations de fortune ne tiendront pas longtemps. Avant d'exécuter mon ultime mission, je dois rédiger une autre page sur un faux journal de bord qui expliquerait nos raisons de quitter la rade. Cela donnera à peu près ceci. En raison de quelques cas de peste signalés en Provence, je me suis conformé à la décision du Parlement d'Aix qui ordonne à tous les navires venant d'Afrique de se mettre en quarantaine à Porquerolles. Il me semble improbable qu'un des deux carnets remonte un jour à la surface. Mais si quelqu'un le trouve miraculeusement et le détient entre ses mains, le vieux marin chevronné que je suis aura bien une dernière faveur à demander au détenteur de la vérité. À vous qui lisez ma confession, pourriez-vous prier pour les matelots et les officiers de la lune, afin que leurs âmes puissent trouver le repos éternel près de la reine des flots, et que jamais, au grand jamais, aucun être vivant ne croise la silhouette d'un futard. Commandeur Verdille, avant le grand plongeon de la lune. Antoine ferma doucement la dernière page du carnet et s'étira en arrière. Durant sa lecture, il avait ressenti l'effroi du commandeur, semblable à une douleur lancinante. Elle lui rongeait les os. Pourtant, il ne céda pas à la panique ni à la tristesse. Si les informations concernant la lune étaient exactes, la prière du pauvre marin avait été à demi exaucée. Après une nuit bien arrosée, plusieurs officiers moururent dans leur sommeil, tandis que d'autres eurent le temps de monter dans la chaloupe, y compris le commandeur Verdille. Quelle ironie! Vivre le restant de son existence avec un si lourd secret. Antoine n'était pas convaincu que le marin méritait un tel châtiment. À l'époque, ce dernier avait simplement exécuté les ordres du roi. Étrangement, il n'y avait pas dans les documents officiels de traces concernant une quelconque attaque du monstre. De toute manière, la chaloupe était arrivée à bon port. Tandis que pour les autres, cela avait dû être terrible. Ils avaient dû ressentir le froid comme personne auparavant, sombrer dans cette obscurité grise, la tête remplie par des bourdonnements, comme si ces pauvres matelots étaient assaillis par les coups. Pour finalement attendre leur libération avec une lueur de démence dans les yeux. Ils devaient penser à la prochaine vague qui les plongerait définitivement dans les profondeurs de la Méditerranée. Peut-être que certains avaient rencontré la gueule béante et les dents du futard. Le vaste océan ne faisait pas de cadeaux. Mais Antoine doutait. Cela faisait bientôt presque 400 ans que cette tragédie s'était produite et aucun monstre à l'horizon. À présent, le futard devait être mort. Néanmoins, Mr. Blizzard semblait avoir pris sa décision depuis longtemps. Ce n'est pas la vérité qui dérangeait le chef de projet, mais comment faire accepter cette vérité aux yeux du monde? Il avait probablement peur que les scaphandriers rencontrent le futard, voilà pourquoi il avait mis le holà sur les opérations. Étrangement, Antoine était surpris. Mr. Blizzard tenait vraisemblablement aux membres constituant son équipe, un véritable commandeur des flots modernes. Mais contrairement à l'équipage de la Lune, les eaux bleutées de la Méditerranée attendraient un peu pour engloutir ce navire-là. Le lendemain matin, l'escadre leva l'ancre. Lors d'une conférence de presse, la raison officielle donnée fut celle-ci. Les mouvements ondulatoires de la surface de la mer rendaient le travail du robot phyloguidé ainsi que des scaphandriers pénible. À la fin de cette explication, Alexandre Paget, chef de projet, termina par « Sur les vastes océans, tout est possible. » Et pour une fois, Antoine était d'accord avec Mr. Blizzard.